Donc, maintenant, nous avons les formes du passé de presque tous les verbes. Je dis bien « presque » parce que ce n'est pas le cas de tous les verbes. Enfin, pas tout à fait. Il y a le club des verbes « gogo » qui se comportent d'une manière différente. Ces verbes « gogo » au présent, qui deviennent « gaga » à l'impératif et au subjonctif, eh bien, ils ont décidé d'être différents aussi au passé. Au passé, sans plongeoir. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. C'est qu'ils le font tous de la même manière. Ils suivent tous le même schéma, ce qui facilite beaucoup les choses. Alors, prenons un verbe « gogo », par exemple, « comment dites-vous, je fais ?»« Hago ».« Hago hein? ». Et « je le fais ?»« Lo hago ». Encore une fois. « Lo hago ».« Lo hago hein? ». D'accord. Et « je ne le fais pas ?»« No lo hago ».« No lo hago hein? ». Et maintenant, pour dire « j'ai fait » à la forme simple du passé, donc sans plongeoir, hein? Si « affaire » se comportait normalement, ça devrait donner « afi ». Mais ce n'est pas le cas. Hein? « J'ai fait » au passé sans plongeoir se dit « il fait ». Donc, le « a » de « affaire » devient « i ». C'est comme en français d'ailleurs, hein, où le verbe « faire » donne « je fis hein, » au passé simple. Et on a la terminaison « et ». Alors, « il fait », qui s'écrit « h-i-c-e », « il fait ». Ce qu'on constate ici, c'est que ces verbes « gogo » ne suivent pas le rythme de notre « cha-cha-cha hein, »« e-e-o-i-e-yo », où c'était la terminaison qui était accentuée. Non, là, on n'accentue même pas la terminaison. Hein, c'est « ife hein, ».« Ife », « h-i-c-e ». Et donc, si on a « ife » à la première personne du singulier, hein, avec « je »,« ife hein, », avec un « e » à la fin, qu'est-ce qu'on aura à la troisième personne du singulier, avec « il » ou « elle » ou « ça » hein? Au lieu du « e », on aura « o ». O hein? Donc, « ifo hein? ». On a « ife » et « ifo ». Alors, « je l'ai fait », au passé sans plongeoir, se dit « lo ife ». « Lo ife ». Et « il l'a fait », sans plongeoir, « lo hizo ».« Lo hizo hein? ».« Hizo ». H, I, Z, O. Car le C de affaire et ife est remplacé par un Z pour pouvoir conserver le son F devant O. Hein? Parce que si on gardait le C avec un O derrière, c'est comme en français. Hein? Ça donnerait ico. Donc, ife, H, I, Z, O. Et il ne l'a pas fait. Toujours sans plongeoir. No lo hizo. No lo hizo. Et pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? Vous posez la question à usted, hein, sans plongeoir. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Hein? ¿Por qué no lo hizo? Hein? Et je ne l'ai pas fait, sans plongeoir. No lo hice. No lo hice. Et vous allez voir que tous les verbes gogo suivent le même schéma avec « e » et « o », mais sans que cette terminaison soit accentuée. Donc, « ife » et « ifo ». D'accord? Alors, il a fait une réservation. Au passé sans plongeoir, se dira « hizo una reserva ».« Hizo una reserva ». D'accord.